Donc, on va parler de l'enfer. Et pendant qu'on est parler là maintenant, donc pendant qu'on est parler de l'enfer, si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez. D'accord. Parce que vous pouvez vouloir poser des questions. Comme ce n'est pas, ne dis pas jusqu'à la fin, et que votre question va être répondue et vous ne répondez pour rien. D'accord. Je pense que peut-être noter les questions, vous allez remarquer que peut-être la question que vous allez poser, peut-être en parlant, ça va être répondu. D'accord. Donc, si vous avez des trucs, posez des questions. À la fin, on va répondre aux questions. D'accord, bien sûr. Donc, on va parler de l'enfer selon la Bible. L'enfer selon la Bible. Nous allons parler de l'enfer selon la Bible. Vérifiez que vous ne dormez pas. En fait, c'est très important qu'on comprenne cela parce que ça arrange beaucoup de doctrines aussi. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Vous avez dit que les doctrines du Dieu du Seigneur là sont des châteaux de cartes. Vous touchez à une doctrine, vous chamboulez le reste. Et c'est bien arrangé parce que la sœur a parlé de la mort, de celui des morts, lui a parlé de l'âme, de l'esprit. Qu'est-ce qui va en enfer quand on meurt? Est-ce que quand on meurt, on va en enfer? En fait, la Bible a déjà réglé le problème de l'esprit, n'est-ce pas? Mm-hmm. La Bible a déjà réglé le problème de l'esprit. Dans ce Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, que nous avons lu, lorsque le fil est coupé. Frère Samuel, sur le papier, là, tu vas t'en sortir. Parce qu'on va lire au moins 50 versets là où il dit. Non, c'est tout un bloc. Dans ce qu'on va lire même 100 versets. Ça va suffire. Donc nous allons parler de l'enfer. Première chose, souvenez-vous d'une chose. Je ne prêche pas une doctrine parce qu'une personne la prêche. Hein. Deuxième chose, je ne prêche pas une doctrine parce qu'elle a appris à une autre personne. Je peux prêcher selon la Bible. C'est pour ça qu'elle dit l'enfer selon la Bible. Vous avez votre Bible devant vous. On va laisser dire la Bible ce qu'elle dit. Mais avant, je vais donc dire, et vous allez savoir de quoi il est question. Pour d'autres personnes, l'enfer c'est un grand creux où tous les damnés ils vont quand ils meurent. Rempli de flammes de feu qui brûlent éternellement. Quelqu'un dit éternellement. Éternellement. Uh-huh. Pour d'autres personnes, donc, s'il ne veut pas dire éternellement, il dit que c'est un feu qui ne s'éteint point. Dit qu'il ne s'éteint point faire. Uh-huh. D'autres catégories encore ne croient même pas qu'il y ait un endroit qui brûle. D'autres catégories ne croient même pas qu'il y ait un endroit qui brûle. C'est-à-dire que qu'il y ait un enfer réservé pour les mécréants. D'autres, je veux dire, il y a plusieurs groupes. Donc il y a des groupes chrétiens, entre guillemets, qui ne croient pas du tout que le Dieu d'amour peut faire brûler ses enfants en enfer. C'est de cette façon qu'il faut aborder la chose, parce que sinon on va s'embourber. Il faut que nous essayons de comprendre sur quoi les gens se reposent pour pouvoir dire de telles choses. C'est-à-dire que d'autres personnes ne croient pas que l'enfer existe. Sur quoi se borne-t-il pour le dire? Il faut qu'on vérifie ça d'après les Écritures. Essayer de comprendre le pourquoi, sur quoi il se borne pour le dire. D'autres croient qu'il y a un enfer et ça brûle pour éternellement. Donc quelqu'un va brûler, il ne doit jamais s'éteindre. Sur quelle base se tient-il pour le dire? Il faut qu'on comprenne parce qu'il y a un pourquoi. D'accord, frère? D'autres personnes disent donc que l'enfer et le ciel et le paradis, c'est sur la terre. L'autre là est plus bête que toute autre chose. Parce que vous savez très bien que le riche meurt ici, le pauvre meurt ici. Le riche meurt ayant vécu son paradis, comme ils disent. Et le pauvre meurt ayant vécu son enfer. Qu'est-ce que le pauvre a fait pour vivre l'enfer? Si on définit l'enfer ainsi. En fait, ça veut dire finalement, en fin de compte, si dans les hommes sont divisés sur ces points, il faut qu'on se retourne à, et comme dans chacune des situations, on retourne vers Dieu pour savoir de quoi il est question. Pour savoir ce que Dieu lui-même appelle par ainsi. D'abord, première chose, le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. Ma soeur, l'enfer ne se trouve pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire donc qu'il n'y a pas l'enfer. En fait, ça veut dire l'appellation que les hommes en ont fait. Qu'est-ce qu'ils veulent appeler par enfer? Si vous comprenez. Quand les hommes disent enfer, de quoi ils veulent dire? Qu'est-ce qui est dans la Bible? Quelle est cette chose dans la Bible qu'ils appellent enfer? Quand les hommes parlent d'enfer, ils veulent dire, il n'y a pas l'enfer dans la Bible. Ça ne se figure pas dans la Bible. Donc, sur quoi dans les hommes se basent pour dire enfer? Donc, en fait, réglons dans les Écritures et puis plaçons beaucoup les points là. D'abord, la Bible fait état de deux voies. Depuis la Genèse et la Deutéronome, où il a dit, mais entre toi la vie, la voie de la mort et la vie, n'est-ce pas? Donc, il y a deux voies. Et ces deux voies-là aboutissent à deux lieux, d'après la Bible déjà. Donc, il y a deux destinations pour chaque être humain sur cette terre-ci. Ça veut dire définitivement, pour la personne qui croit que l'enfer et le paradis est cité ici, ce n'est pas sa parole qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Donc, ça veut dire qu'il le croit ou qu'il ne croit pas, il sera quand même ressuscité. Donc, s'il y a quelque chose qui est vraiment bien, c'est que chacun sera ressuscité au moins. Et quand chacun sera ressuscité, c'est là alors qu'on comprendra la réalité des paroles de Dieu. Là-bas, il n'y a plus de chemin retour pour faire marche arrière et réparer les choses. C'est ainsi que les doctrines orientales ont commencé à enseigner ce qu'on appelle la loi du karma et de réincarnation. Cette loi qui stipule que tout se paye ici-bas, que tu le montres une fois, au fur et à mesure pour montrer vers les dieux, vers la divinité, il faut faire beaucoup d'assises, beaucoup de bien. Parce que si tu fais beaucoup de mal, tu risques de venir dans la souris. Mais tu veux dans les prochaines vies de réincarnation, tu peux venir dans le chat ou bien dans un chien, dans un cafard, on te piétine, dans les vers de terre, dans les plantes. On parle des abominations, non? Et curieusement, leur fondateur en mourant a dit qu'il n'a pas encore saisi la vérité. Donc peut-être il est entré dans un chat, on a tué depuis. Donc finalement, si on ne saisit pas vraiment la parole de Dieu, on se tourne tout dans un marché où il y a plusieurs objets à acheter et qu'on a de l'argent, on ne sait pas quoi choisir. Là, il faut vraiment qu'on fasse attention à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare donc qu'on veille attentivement sur ce que nous écoutons, de peur de nous éclairer loin d'elle. Parce qu'il y a plusieurs choses pour nous détourner de la voie de la vérité. Première chose, oui ou non, la Bible est-elle la vérité? Donc en matière d'autorité spirituelle, la Bible règle tout le compte. C'est-à-dire que si la Bible confirme qu'il y a un lieu où les gens se tourmentent, doivent être tourmentés, alors c'est la Bible qui a raison. On est d'accord? Alors la Bible a pleinement raison. Quel que soit ce que les autres en disent, je m'en fous si les bouddhistes ne croient pas. Ils ne croient pas, c'est leur problème. Ma Bible dit parce que Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est sa parole qui est la vérité. Alors, comme la parole de Dieu est vérité, il a dit dans Proverbes chapitre 3, verset 6, qu'il n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te retrouve menteur, qu'il ne te reprenne, que tu ne trouves menteur. Et les menteurs auront leur place dans les temps, la dent de feu et de soufre. Amen. Donc, commençons à examiner donc. Premier groupe, ceux qui croient qu'il n'y a pas d'enfer. En fait, ils essaient de se convaincre qu'il n'y a pas d'enfer pour essayer de vivre à la manière de la chair. Mais leur âme et leur conscience témoignent qu'il y a un endroit où on va aller. La preuve, quand un danger vient, il dit mon Dieu. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste chapitre 3 dit quoi? Que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée-là, les gens essaient d'autres, essaient de noyer, ils disent que non, non, non. Tous ces pères ici-bas, ils veulent essayer de chanter. Pendant ce temps, un autre ministère mondain encore chante que les morts ne sont pas morts, je suis Satan. Donc l'autre dit que tous ces pères ici-bas, l'autre chante que les morts ne sont pas morts, c'est entre eux. Mais la Bible dit clairement que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Donc après notre mort, notre cessation de vie, notre sommeil, dans la chair, si très certainement il y aura un jugement. Et c'est Dieu qui l'a déclaré. Depuis l'ancien temps, il a déclaré qu'il y aura effectivement un jugement. Et il dit le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux qui l'approuvent accepteront ceci. Amen. Il dit la justice et l'équité sont la base de son trône. Amen. Ok. Donc, deuxième groupe donc pense que un Dieu d'amour, et ça c'est la doctrine particulièrement des témoins de Jéhovah. Je veux que vous saisissez cela. Et si vous dites ça aux témoins de Jéhovah, vous donnez ceci à tous les Jéhovah, il faut qu'ils comprennent et qu'on revienne à l'ordre. En fait, s'ils ne croient pas, qu'ils ne s'intéressent, qu'ils ne s'inquiètent pas, quand ils seront là-bas, ils sauront qu'effectivement il y avait un feu qui brûlait. Et là-bas, il n'y a pas de chemin retour. Donc, qu'on comprenne ceci. Les témoins de Jéhovah disent qu'un Dieu d'amour ne peut pas envoyer ses enfants qui souffrent en enfer, dans un lieu où ça brûle. D'abord, il y a une erreur dans la considération de la phrase. Ils disent un Dieu d'amour ne peut pas envoyer ses enfants. Or, Dieu n'a jamais dit qu'il va envoyer ses enfants souffrir. Donc, effectivement, c'est un Dieu d'amour. Et effectivement, il ne doit pas envoyer ses enfants en enfer parce que les enfants de Dieu ne vont pas en enfer. Alors, il faut qu'ils comprennent que Dieu, le Dieu d'amour, va envoyer les injustes en enfer. Donc, l'erreur a été au niveau de la considération de la personne qui va aller là-bas. Parce qu'il ne comprend pas comment un père, il dit c'est plein d'enfants, donc toi un père, tu peux brûler ton enfant dans le feu. Je vais le faire encore comprendre que la Bible déclare clairement qu'il y a les rois qui font passer leur fils ou leur fille par le feu. Pour montrer que c'est possible là sur le plan humain. Et Dieu avait interdit cela, que ne faites pas passer votre enfant par le feu et à Moloch. C'est pas ça? Et voici donc la justification. Ils prennent le livre de Jérémie où il dit ils ont sacrifié leur fils dans la vallée et ils mentent. C'est des choses qui n'étaient même pas passées dans les chiens. Or, Dieu dit clairement qu'il n'a pas dit qu'on sacrifie son enfant à l'autel là-bas dans ce monde. Mais il n'a pas dit que lui, il ne doit pas brûler. Ils disent que quand ils prennent, c'est pour ça qu'il faut regarder la Bible dans son entier. Quand ils prennent la Bible, ils disent que Dieu a dit que les choses qui ne viennent pas passer dans l'esprit. Quand quelqu'un le réveille, il dit que ah, oui, voilà ça, on a dit qu'il n'y a pas l'enfer. Mais la Bible dit que Dieu a dit qu'il n'a pas passé, il n'y a même pas ça dans son esprit. Dieu ne dit pas là-bas qu'il n'y a pas l'enfer dans son esprit. Parce que Dieu a dit que mais pour les lâches, les infidèles, les abominables, leur passe là dans Adam du feu. Mais ils prennent ces versets où il a dit il n'a pas donné à Jérusalem de sacrifier leur fils. Ça, ce sont les nations qui pratiquaient ça. Donc dans le corps des enfants d'Israël, ça ne devrait pas se passer. Donc Dieu n'a pas pensé ça pour eux. Amen. Donc voyons donc comment, au fur et à mesure, quand on tord les doctrines, on va s'arranger à faire ou bien à croire ce que nous voulons croire. J'aimerais bien les regarder pour voir ce qu'ils en disent des Apocalypse partout où on parle de jugement de feu. Oui. Et quand on arrive donc là-bas, vous allez voir que si on lui demande que Satan sera où, bien, il va dire qu'il sera où, tu parles quoi? Pas le feu. Voilà, la Bible dit que ce n'est pas seulement Satan, ses anges. Et, tout, et même les gens qui n'ont pas dans Matthieu 25, qu'on nous a dit la dernière fois, on s'est allé là-bas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le feu est un symbole de jugement. Le feu est un symbole de jugement. Ouais, que quelqu'un chante que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Il ne sait même pas ce qu'il a de dire. Parce que le feu de Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Vous parlez. C'est pas ça, hein? Dans ma vie, dans les mariages. Dans mon cœur, brûle-moi. Dieu lui dit que non. Donc, le feu de Dieu n'est pas réservé pour les enfants. Alléluia. Le feu de Dieu n'est pas réservé pour ses enfants, ma soeur. D'accord? C'est réservé pour les incrédules. Donc le feu, c'est un symbole de jugement. Prenez, je vais vous donner les versets, si Dieu le permet, parce qu'on est parti du temps. Je vais vous donner les versets qui parlent de feu dans la Bible. Vous allez remarquer que ce feu-là implique, en dehors de quelques versets qui parlent de feu au temps naturel, comme par exemple là où dans Actes chapitre 28, où l'apôtre Paul a cité le feu, quoi, le serpent, la vipère sur le feu, qui est le feu physique, c'est-à-dire le feu normal que nous avons là. Tous les autres feux là-bas, il s'agit de l'enfer. Les langues de feu, hein. On n'a pas dit que c'est le feu qui les brûlait, on dit que la langue de feu était là-bas. Le feu était, avait la forme de langue. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il dit que le Dieu d'amour ne peut pas permettre que ses enfants brûlent en enfer. Dieu ne permettra. En fait, aucun enfant de Dieu ne se trouvera dans ce lieu-là. Aucun. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais bien. Personne ne les arrachera des mains. Je les donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Absolument, frère, absolument. Si j'ai un enfant de Dieu, réjouis-toi à l'intérieur. Réjouis-toi à l'intérieur. Grandis seulement dans la connaissance de ton Père céleste. Je vous le dis. C'est une grâce infinie d'être appelé enfant de Dieu. Je vous dis, c'est une grâce infinie. Donc que rien ne vienne, que Satan ne vienne pas perturber ta pensée en disant que tu crois vraiment que tu es sauvé. Mais vraiment, il faut que tu sois d'abord sauvé, vraiment. Parce que n'essaie pas d'être convaincu aussi que tu es sauvé, que tu n'es pas sauvé. C'est pas de ça qu'il parle. Il faut qu'une vie extérieure, divine, se manifeste au travers de toi. Que ça ait pris place un de ces jours. Ça n'a pas pris place et que tu as tes anciennes façons de faire. Tu n'es pas encore de la bonne façon. Donc voilà pourquoi dans le témoin de Jéhovah donc, disent qu'il n'y a pas un lieu qui brûle. Mais il y a un lieu vraiment qui brûle d'après la Bible. Voici la deuxième faute qu'ils font, c'est au niveau de l'âme justement. La doctrine du témoin de Jéhovah par rapport à l'âme, je suis en train de toucher ça pour que vous voyez vraiment là où le problème, les problèmes se sont glissés. La doctrine par rapport à l'âme, c'est que l'être humain, comme le frère Saint que je vois souvent moi, c'est l'âme vivante. La doctrine par rapport à l'âme, c'est que c'est l'âme vivante. Alors il peut prendre Ecclésia chapitre 9 verset 5, que lorsque quelqu'un meurt, ses pensions ont péri. Alors que ce n'est pas ce que la Bible en train de dire. Comme par exemple, nous avons pris aujourd'hui Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 29, là nous avons lu le cas de David, où David parlait du Seigneur Jésus. Il dit, tu ne permettras pas que mon âme reste dans le séjour des morts et que ton sein voit la corruption. Deux endroits distincts. Le Sheol, le tombeau, le sépulcre, le lieu où on dépose ses corps. Quand on dépose le corps, l'âme va au séjour. Et le séjour des morts a véritablement son lieu géographique dans la Bible. D'accord? On y va. Donc on va regarder lieu géographique. Première chose, donc, regardons donc lieu géographique. On va voir et puis on va toucher donc les gens qui ont des visions par rapport à l'enfer. On va toucher quelques points là-bas aussi et voir ce qu'il y a anormal. Lieu géographique donc du séjour des morts. Je sens d'aller doucement pour que vous puissiez saisir. Quand tout sera, tout le paquet sera mis, il y a un dernier groupe, c'est ce dernier groupe qui va nous permettre de travailler véritablement bien. Luc chapitre 16, on peut lire. Prenons Luc chapitre 16, des versets 19 à 30. Vous pouvez noter. Prenons avant cela, disons Proverbes chapitre 15. Donc il faut qu'une fois que toute cette chose soit réglée, le problème de la doctrine sur l'enfer. Donc au sorti d'ici, on va savoir ce que c'est que l'enfer. 1. Qui va y aller? Et en troisième lieu, oui ou non, l'enfer est éternel. Ça doit être réglé là ce soir-ci. Amen. Et de la même façon, comme je suis en train de faire la conspiration par rapport au je vais vous regarder là où ils ont dévié. De la même façon, je vais vous montrer parce que la Bible ou les autres choses ont dévié. Et c'est dans la parole qu'on va voir cela. Donc, Luc chapitre 19, quoi? Chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31, d'accord? On va lire ça plus tard. Et Proverbe chapitre 15, verset 24, disons. Et regardez bien. Et souvenez-nous, vous pouvez noter dans votre cahier lieu géographique de ça pour qu'on puisse voir distinctement, d'accord? Après, vous voyez le pronom de l'âme. Chapitre 15, le verset 24 dit quelque chose. Regardez bien, regardez bien. Je peux lire. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Le Saint-Esprit vient de nous montrer l'endroit géographique où se trouve le séjour des morts. Où se trouve le séjour des morts. Il y en a plusieurs versets dans la Bible qui donnent exactement le lieu géographique. Vous pouvez lire dans Job particulièrement, par rapport à Job, vous allez le trouver là-bas beaucoup. Maintenant, disons, c'est Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Je vais dire rapidement, vous pouvez prendre, c'est l'histoire des riches et des Lazare, d'accord? L'homme riche et des Lazare. L'homme pauvre et Lazare, comment vous pouvez noter? Regardez bien, on va regarder quelque part là-bas. Parce que nous parlons du lieu géographique, du séjour des morts. En fait, toutes ces choses que nous sommes en train de planter, le décor que nous sommes en train de planter seront importantes dans la suite. Pourquoi nous regardons ce qu'il en est. Ok. Maintenant, regardez bien. Dans ce Proverbe chapitre 15 que nous avons lu maintenant, le verset 24, il dit « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, pour se détourner du séjour des morts qui est en bas. » Jusqu'ici, ça peut avoir encore des... on peut avoir encore de la réticence en disant « Ah, séjour des morts, c'est que ça veut dire que c'est nécessairement la tombe. » N'est-ce pas? On peut croire encore que c'est la tombe dans laquelle la personne est enterrée. Alors, dans ce cas, il faut aussi poser la question comment le sage là, va faire pour monter. Vous comprenez la chose, n'est-ce pas? J'espère que vous saisissez ce qu'il dit. Il dit, si en lisant ces Proverbes chapitre 15, verset 24, on dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Alors, il faut résoudre le problème, comment on fait pour monter en haut là-bas? Puisqu'on enterre tout le monde en bas. Quand quelqu'un se couche là. On entend tout le monde en bas. Mais on dit que pour le sage, ça passe, ça sera plus haut, en haut. Il dit pour le détourner du séjour des morts qui est en bas. Il dit pour que si quelqu'un dit non, là le séjour des morts, ça suppose que c'est la tombe. C'est la tombe. Et regardez encore par rapport à Jésus, où il est dit dans ce psaume 16, par rapport à son bien-aimé qui devait voir la correction, il dit que tu ne permettras pas que mon âme reste dans le séjour des morts et que son sein voit la corruption. Deux endroits distincts. Donc, Luc chapitre 16. À partir du verset 19. Bon, en fait, prenez le temps de lire à partir du verset 19. Je vais lire rapidement lorsqu'il y a la confrontation, d'accord? Regardez bien, je vais lire rapidement à partir du verset 22 là. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Frère, quand on porte quelque chose, on monte ou on marche sur la partie plane où tu es. Vous allez me dire qu'on peut porter un sac à dos en descendant dans les profondeurs de la terre. Bon. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Restons donc sur cette verset 22 là d'abord. On dit, en fait, les deux ont eu la même condition. Les deux personnes, le riche et le pauvre, ont eu la même condition sur le plan humain, sur le plan matériel ici. C'est-à-dire que leur souffle s'est arrêté. D'accord? On dit, après cela, le pauvre, parce qu'on dit clairement, le pauvre mourut. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait l'absence de la vie. C'est-à-dire au plan, le mort sur le premier plan, le premier degré du mort qu'on connaît. D'accord? Le pauvre mourut, il fut transporté dans le sein par les anges dans le sein d'Abraham. La question que je pose maintenant, c'est que quand le cadavre de ce pauvre était là, les anges sont venus porter son cadavre pour partir avec lui en haut. Donc il faut admettre que c'est une autre chose en dehors de ce cadavre qu'on a envie de voir, qu'on a envie de parler, qui est porté. On est d'accord? Okay. On dit le riche aussi mourut, il fut enseveli. Je pense que peut-être le pauvre n'avait même pas de sépulture. Comme il était pauvre, on ne savait pas que personne pourrait l'enterrer. On voit le cadavre, on jette partout là, d'accord? On peut l'avoir jeté là-bas. Mais ce n'était pas achevé. On veut dire que le riche, même dans sa richesse, il avait de bons cercueils. On l'a bien enterré. On a pleuré le type là. Qu'on a bien pleuré le type là. Alors que l'autre n'a même pas eu de sépulture. Il est mort. Ok. Les deux, sur le plan physique, ont une même condition. Ils ont expiré. Maintenant, la Bible nous raconte maintenant la suite de l'affaire après l'expiation, après qu'ils ont expiré. C'est-à-dire qu'après que le souffle s'est arrêté, on dit que celui-ci est mort, celui-ci est mort. La Bible dit justement que les deux ont eu deux destinations différentes. Regardons verset 23. Il y en a combien? La fin du verset 22 dit le riche fut aussi, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Maintenant regardez bien. On dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. On a dit là-bas qu'il est mort. On est d'accord. S'il est mort, on l'a enseveli. C'est pourquoi on a passé des choses sur lui, soit les pierres, soit le caillou. En étant dans le séjour des morts, il a levé les yeux. Donc ça veut dire que ce n'est plus les yeux physiques qu'il a levé, ce sont les autres yeux. Donc ça veut dire que la chose s'y passe hors de la tombe, au-delà de la tombe, au-delà de la tombe. On est d'accord, mes soeurs, mes frères? Ok. Voilà, on va aller doucement. On dit dans le séjour des morts. On n'a pas dit dans la tombe. On a dit dans le séjour des morts. Oh mon Dieu. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un meurt là, c'est terminé, il ne peut plus rien faire. En fait, la chair ne peut plus rien faire, le cerveau ne peut plus rien faire, les pensées ne peuvent plus rien faire parce qu'il ne peut plus haïr, comme Ecclésiaste le dit, parce que la chair c'est terminé. Mais la suite de l'histoire se passe donc dans autre chose. On continue. On dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. Le fait qu'on dit qu'il leva les yeux veut dire qu'il est en bas. Donc, s'il lève, il a de regarder quelque chose qui est en haut. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Tandis qu'il était en proie au tourment. La Bible vient de nous dire que dans le séjour des morts, on commence à être tourment. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. La Bible vient de nous montrer que le tourment là est fait par les flammes. Souvenez-vous, c'est Jésus qui dit ça de sa bouche. Et souvenez-vous, maintenant, je vous dis quelque chose pour que vous ne passiez pas cette erreur de théologien. Il ne s'agit pas d'une parabole. C'est là où les gens ont commencé à chuter. Il ne s'agit pas d'une parabole parce que dans les paraboles, les noms ne sont pas donnés. Ne dites pas la parabole des riches et de la... Il n'y a pas de parabole. Ici, il n'y a pas de parabole. Jésus donne l'explication de quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment eu un riche, un Lazare qui s'est ouvert. Et la Bible dit clairement de quel riche il était question. Ce n'est pas le moment de parler de cela. Je pense que dans la parabole, les chrétiens ont dit que c'est une parabole. On a sur les traducteurs. Voilà, ce sont les traducteurs qui ont mis que la parabole. Donc c'est eux qui ont dit parabole. En fait, je vais dire pourquoi longtemps on parle là-dedans. La Bible n'a jamais appelé ça parabole. Jésus a dit. Un moment. Laisse-moi va saluer la soeur là. On va saluer. Vas-y. Donc il dit car je souffre cruellement dans cette flamme. Il n'a pas dit tout simplement qu'il souffre dans cette flamme. Il dit cruellement, ça suppose donc, fais un moment, va saluer cette soeur. Ça suppose que cette personne-là, le degré de souffrance qui se trouve est insupportable. Jusqu'à ce qu'il croit que une seule goutte d'eau touche sa langue. Écoutez bien, initialement, on a dit qu'il leva les yeux. Donc ça veut dire que son âme a les yeux. Maintenant, on a dit qu'il souffre cruellement, ça veut dire que son âme ressente les choses. Maintenant, on dit que pourquoi on envoie de l'eau pour toucher sa langue. Donc, son âme a la langue. Donc, le cerveau à ton cerveau à toi a la langue, ma soeur. Donc, vous voyez très bien que c'est vraiment que la partie qui se trouve dans ce jeu de mots a les propriétés de la personne qui était sur la terre. Donc, l'âme n'est pas une vapeur. L'âme n'est pas une vapeur. L'âme a une forme. L'âme a une forme. Je vous ai raconté cette histoire, je profite encore pour vous raconter encore cette chose-là aujourd'hui. Mais dans cette vision-ci que j'avais regardée, il n'y a que... En fait, ce n'est pas une vision, c'est devant moi, parce que c'est comme si l'écran, vous allez voir la chose, c'est réel. C'est pas que je dors. La chose qui m'étonne et qui m'a toujours étonné, c'est ça. Et quoi que ce soit, j'en ai saisi un peu le bout de cela. C'est ma tante qui était décédée, elle était couchée là, et puis je la voyais debout marchant. En parlant là, je vois encore la même chose devant moi, avec la couleur de la vie qu'elle portait. Pas que j'étais endormi. Donc si quelqu'un peut bavarder que non, quand l'homme meurt, il est terminé, quelque chose ne va pas chez lui. Parce que je n'ai pas fait pour voir ça, ce n'est pas l'hallucination. Je voyais la chose là, elle regardait son corps. Elle regardait les gens, elle a passé, elle a sauté de l'eau. Elle est passée dans l'obscurité, elle a disparu, je l'ai vue. Donc elle avait une forme, la même forme qu'elle avait, c'est la même forme. Je pouvais la reconnaître pour voir la même taille. Mais ce qui me trouble, c'est la vie qu'elle avait, c'est trouvée ici. C'est-à-dire que, c'est pas quelqu'un, c'est pour exemple, c'est quelqu'un qui va dire que non, je vais dire qu'il est mort. C'est-à-dire que, si c'est moi, je me couche ici, si Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez la personne qui est couchée là-bas, vous voyez la personne que vous voyez debout, vous avez la vie ici. je me demandais, comment il a fait pour avoir la vie? Est-ce qu'il y a la vie spirituelle? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que si la personne sort, il soit nu. Mais il a bien exactement comme ça. C'est dans l'écriture. Quand Samuel est mort, on l'a fait monter. Il a dit comment il est. Il dit qu'il a brillé avec le manteau, le prophète. Donc, quand tes mèches, tu meurs, tu crois que Dieu va comprendre. C'est une indication pour vous montrer. Tu meurs avec tes mèches. Quand tu vas te ressusciter, tu seras avec ça devant toi. Tu vas dire si ce que Dieu a fait est bon pour toi ou bien si ce n'est pas bon. Les femmes ne comprennent pas ce qu'on parle. Il va vous montrer pourquoi vous demandez pourquoi vous avez percé vos oreilles. Vous allez lui dire ce jour-là. Ne crois pas quand tu as percé les oreilles, quand tu vas mourir, ça va se fermer. Tu vas venir, si tu avais les boucles d'oreilles de 400 000, tu vas te présenter devant lui avec ça 400 000. Il va dire enlève cela. Regardez bien. Il va vous montrer quelque chose. Quand il va dire enlève, tu ne pourras pas enlever parce que tu n'as pas la propriété de toucher. Maman touche de lui, voir. Si c'est ton âme, il fait comme ça, il va entrer. Il ne peut plus toucher. Parce que c'est immatériel. Ces choses-là, c'est toi pour te témoigner. Ce sont les choses qui font la guerre à l'âme. Dis la Bible. Il ne fait pas la guerre à ta chair. Ça fait la guerre à l'âme. C'est pour ça que je ne sais pas. Si ton âme est régénérée à l'intérieur, les choses-là, tu vas automatiquement rejeter. Si vous résistez, il y a quelque chose de faux en vous. Il vous faut savoir la délivrance. Donc, si quelqu'un est là, elle est couchée. Ouais. La personne se retrouve là-bas. À côté. À un moment donné, elle va partir. Elle part soit en haut, soit en bas. Quand la personne sort de là, si c'est un chrétien, oh, c'est glorieux. Ouais, effectivement, un ange vient là-bas, il dit, rentre-toi à la maison. Vous savez, les fusées qui montent souvent à la télévision, boum là, c'est monté direct vers la maison. Absolument, frère, vers la maison. Donc, Dieu a donné l'accomplissement. Jésus a donné ici clairement la promesse aux chrétiens. Que tenez femme, quand vous mourrez, vous montez. C'est là qu'on enterre. Je fais où? Je suis désemparé. Après, il voit quelqu'un qui est couché. Que, dis à mon fils qu'il ne pleure pas trop. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a quelqu'un devant lui. Alors, tu te rends compte que maintenant, là, je suis dans les sales draps. Tu marches, tu es. En fait, quand tu es dans l'âme, là, tu dis que Washington, il faut que tu es à Washington directement. Avec ce corps. Tu dis que où est mon père? Où est mon fils? Tu le vois, tu es devant lui. Parce que ça se déplace à la vitesse de la lumière. Alors, à un moment donné, tu entends, descends ici. Alors, tu entends, waouh, c'est quoi? Il n'y avait pas là-bas. Erreur Fombo Tuko, Nadame Fondos. Il dit bien, ce qui est curieux, c'est que, à l'instant, dans ce corps-là, dans cette position, vous n'avez pas la possibilité de rentrer par vous-même. Même si vous voulez rentrer, même si vous voulez y rentrer. Parce que si tu sors de ton corps, tu regardes, il y a 400 corps là-bas, tu vas voir les corps sont identiques. Je recommence encore pour vous saisir. Si tu sors, il y a 400 cadavres, tu ne sauras pas ce qu'il y a sur le corps. Parce que ici, à partir de maintenant, c'est un corps animal. C'est animal. C'est-à-dire que s'il y a le lion couché, le chien là-bas, tu pourras savoir, tu vas distinguer le chien de ton corps. C'est l'animal. C'est pour ça que c'est Ecclésiaste qui a dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, non, si il meurt, tu n'as pas la possibilité de mourir. En fait, la Bible déclare que personne n'a de pouvoir contre cela. Personne n'a de pouvoir contre le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans cela. Donc, c'est grâce à le fil de ta vie. C'est-à-dire que si on décide que tu vas quitter ça avant le temps, vous savez que c'est possible d'après la Bible, non? Mais si tu quittes avant le temps, tu vas errer. Voilà pourquoi il faut être en Christ et y demeurer. Le seul et unique endroit où vous puissiez être en sécurité, c'est dans le Seigneur. Parce que quand vous mourrez là, vous dormez, vous allez de l'autre côté de la maison. Il n'y aura plus jamais un bailleur qui va venir toquer la maison pour demander la paix à ce que vous payez les trucs. Regardez, vous payez le bien, c'est qu'il faut d'abord prier même que, avec l'argent, vous avez payé ça, que ça ne vous fait pas casser les pieds. Donc, il n'y aura plus tout ça. Donc, la propriété qui est présentée ici montre que cette personne-là se trouve en un lieu au-delà, ou bien en deçà du lieu où on l'a enterré. C'est-à-dire que là où on l'a enterré, vous savez que c'est en deçà de là où on l'a enterré. Et la Bible nous a dit précédemment dans ses proverbes, chapitre 15, verset 24, que le sentier de la vie c'est en haut pour détourner le sujet de mort qui se trouve en bas. Et on a vu qu'on a enseveli quelqu'un ici dans la terre, il s'est retrouvé encore plus bas. Et avec les yeux de l'autre dimension, il a vu en haut. Il souffrait et il criait. Donc il avait la propriété de parler. Ça veut dire que même si tu as poussé après le cadavre, tu ne peux pas entendre parce qu'il faut être dans cette dimension. On continue. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu es deux ans. La Bible vient nous montrer clairement que ça se passe dans une autre dimension. Ce n'est pas la dimension terrestre. Abraham dit que maintenant, ici, il est consolé. Toi, tu souffres. Ça montre clairement que dans le sein de moi, dans le sein d'Abraham, on est consolé. Donc il y a deux voies, il y a deux destinations finales. Alléluia. Maintenant, regardons, observons la chose. Nous avons été d'accord que la personne du pauvre qui était couchée là-bas, ce n'est pas le cadavre grotesque là, avec les ulcères là, que l'ange est venu porter. La Bible déclare qu'il est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé boiteux, il ressuscite plein de vie. Amen. Ne pensez pas que vous allez aller dans le sein d'abord, on voit un boiteux qui fait comme ça. Jamais vous ne verrez pas cela, parce que l'âme n'est pas boiteuse. C'est le corps. Vous pensez que si vous êtes boiteux, vous avez le Saint-Esprit boite. Vous pensez que le Saint-Esprit boite. Qui sort d'un envoyé aussi pour dire que je m'en vais appeler au Père, le Saint-Esprit. Il ne boite pas comme ça. Amen. Donc si tu fais l'argent, vous coupez tes pieds. Le Saint-Esprit, son pied, il n'est pas coupé. Ton âme sort, il a deux pieds. Ah, frère. Ah, hein, ma soeur. Ok. Donc, deux endroits, deux destinations. L'un en haut, l'autre en bas. Et c'est deux réalités. Donc, pour montrer que si quelqu'un dit que quand on meurt, c'est fini, la Bible vient de montrer que c'est le contraire. Que c'est pas terminé. C'est terminé pour ceux qui se passent sous le sceau. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit que si quelqu'un meurt, tout ce qui est ici là, tout ce qui est au-delà du soleil est arrêté. Jamais on a dit sous le soleil. Le soleil en dessous. C'est là-bas que tout a un temps. Au-dessus du soleil, il n'y a pas de temps. Amen. Donc, continuez ici, regardez. D'ailleurs, il y a entre verset 26 de Luc chapitre 16. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Vous avez vu cela? Abîme vide. Néant, un grand néant. Afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Abraham me dit que c'est possible que quelqu'un puisse penser à cela. On ne peut pas venir. Ici encore, ça règle le problème de la doctrine du purgatoire. La doctrine du purgatoire, ça veut dire qu'il y a des endroits où quelqu'un soit vraiment parfait, pour qu'on puisse aller au paradis, pour qu'il passe, quand tu meurs, tu passes par là. Et les gens sont là, ils donnent l'argent pour qu'on puisse prier pour leurs grands-parents, pour qu'ils quittent le purgatoire pour aller au paradis. Que plus vous voudrez l'argent ici sur la terre, plus on prie pour eux, plus ils partent là. Vous voyez, la Bible montre qu'il n'y a que deux endroits, l'en bas, l'en haut. Il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il y a le vide là au milieu. Le vide. Donc il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas un lieu, une zone tampon, une zone de probabilité de rachat. Jamais. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que le prêtre puisse comprendre cela. Que les catholiques assidus puissent comprendre cela. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En fait, le jugement dont la Bible parle, c'est le jugement dernier pour montrer tes œuvres. Mais sur la terre, tu ne crois pas au Fils, tu es déjà jugé. Donc c'est terminé. C'est pour dire que on peut dire certainement et avec sûreté que tu iras en enfer. Ok, regardons. Verset 27. Le riche dit : Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Vous voyez ? Regardez bien. Car j'ai cinq frères, c'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de. Dans le séjour des morts est appelé dans la Bible le lieu de tourment. Donc si quelqu'un dit qu'il n'y a pas un lieu de tourment, il en reste trompé. La Bible vient de rappeler l'endroit, le lieu de tourment. Remarquez très bien. Probablement, cette monsieur, si dans la vie, il refusait tous ces enseignements-là, donc voilà qu'il se trouve là-bas directement là-bas. Quand il est mort, il n'a même pas fait de voyage, il n'a pas payé pour arriver. Il s'est seulement retrouvé là-bas. Vous avez remarqué, Lazare, on a envoyé les escortes. Ici, le présent marche avec les gardes du corps qu'on peut venir détourner. C'est les anges qui sont venus poser la porte de Lazare, l'amener au sein d'Abraham. Pour celui-là, quand il est mort, personne ne l'a accompagné. Il s'est seulement retrouvé là-bas. C'est grave. Donc, pour aller au séjour des morts, c'est assez facile. On ne paye pas. Vous y êtes. Abraham répondit, ils ont quoi? Moïse et les prophètes qui les écoutent. Dieu vient de nous dire ici là que pour les gens qui disent que non, si Dieu ne me convainc pas, je ne crois pas, ils ont un problème directement d'après les Écritures. Donc si tu vas en enfer, tu ne diras jamais que tu n'avais pas écouté, que Dieu ne t'a pas dit. Parce que quand l'Écriture est déballée devant de toi, ça fait office de la parole. Vous entendez cela? Il regarde, il dit, ils ont quoi? Moïse et les prophètes. Il veut dire quoi? Ils ont la Bible avec eux. Et ils ont les prédicateurs. Ils écoutent cela. Il dit, s'ils ne les écoutent pas, ils feront quoi? Regardez dans votre Bible. Vous entendez ce qu'il a dit? Voici même la preuve. Nous voici avec des tonnes de gens qui reviennent en disant que Jésus m'a fait voir l'enfer et le paradis, non? Les gens croient. Voilà la preuve justement. C'est-à-dire que même si quelqu'un se couche là-bas comme ça, il était là comment? Il dit après il meurt. C'est parce que les dents sont comme ça là. On vient dire, lève-toi, il se lève. Je t'ai vu là-bas. Dieu me montre comment tu partais, il m'a dit, ah, c'est le cauchemar que tu as eu. C'est même celui qui était bien mort. C'est celui qui était dans les hallucinations. Elle était dans les vaps. Les gens vont faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés à avoir la vie. Donc, Abraham leur dit qu'ils ont là-bas les prédicateurs et la Bible qui croient. Donc la Bible venait nous rassurer d'une façon que vous savez que si vous croyez la Bible de la bonne façon, vous avez le passeport pour l'éternité. Ça veut dire que la Bible venait nous montrer que vous n'avez pas besoin de signes miraculeux pour croire à ce que Dieu est là-bas, parce que vous avez les prophètes et vous avez la Bible. Si vous croyez, vous viendrez là où il y a quoi, Lazare. Alléluia. Deux, si quelqu'un ne croit pas la Bible, il n'a pas de possibilité d'être sauvé. Il n'en a pas. Parce que la vie éternelle est accordée au travers de la parole et de la prédication. Ce n'est pas possible. Pas qu'il ne doit pas croire qu'un Dieu existe. Parce que croire qu'un Dieu existe ne fait pas que tu sois sauvé. Il faut faire la différence. Il peut savoir par la nature que Dieu est parmi tout. Il le pense. Waouh, Dieu est victorieux. Il n'est pas problème. Il n'est pas vraiment sauvé. Amen. Ok. Donc, regardez. Et il dit verset 30. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts résisterait. Donc plusieurs choses sont dites là-bas. On voit clairement que le séjour des morts se trouve en bas. Que le lieu de repos se trouve en haut. On est d'accord. Dans l'un qui se trouve en haut, il y a le repos. Dans le bas, il se trouve donc les tourments. Maintenant, avant de continuer, il y a une petite chose qu'il faut régler. Quant aux dispensations par rapport au séjour des morts, suivez très attentivement là. Quant aux dispensations par rapport au séjour des morts, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, tous les justes et les injustes descendaient au séjour des morts, mais dans deux endroits bien distants et différents. Vous suivez ce que ça me dit? Je vais recommencer ça pour que vous saisissiez. Il dit avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne et supprimer, monter le sacrifice pour amener les gens à la rédemption, le séjour des morts était divisé en deux places. Maintenant, supposons que ça soit cette maison, si on divise ça en deux compartiments, les méchants vont dans ce côté-ci, les bons viennent dans ce côté-ci en attendant. Vous avez lu dans votre Bible, porte et élevez vos lintos que le roi de gloire fasse son entrée. Vous avez lu cela dans Psaume 24, qui est cédé au Dieu de gloire. L'éternel puissant dans le combat. Alléluia. Sarah sort, porte et élevez vos lintos, sortez, montons. Quand il crie, venez voir porte, c'est juste les sépulcres s'ouvrent et on vit les corps des saints montés. Vous avez lu ça dans votre Bible? Donc allons dans le livre de 1 Samuel, voir cela rapidement. 1 Samuel chapitre 28. Voir cela. Parce que sinon les questions vont venir dans votre esprit là que, ok, quand les gens mouraient aussi, dans l'île Abraham était où? Ce n'était pas possible donc que quelqu'un va dans le lieu de repos, dans le paradis, sans que Jésus ne soit mort. C'est ce qui a été fait dans la livre de la Genèse. Quand vous voyez, quand on avait mis les chérubins à l'orient des jardins pour empêcher qu'on puisse entrer dans le jardin. Vous vous souvenez? Pour que ça soit comme ça, il faut qu'il y ait d'abord rédemption. Pour qu'on puisse retourner, il faut qu'il y ait d'abord rédemption. Donc on ne peut pas retourner dans le paradis des dieux sans que l'être humain soit racheté. Là, pourquoi on avait bloqué l'accès de l'arbre de la vie qui était Jésus? Il fallait que le problème du péché soit réglé là-bas avant qu'on vienne à lui. Alors voilà donc pourquoi, frère, dans ces livres de Matthieu et Luc, il pouvait dire à cette bandit-là, aujourd'hui, nous ferons être là-bas. Parce qu'il partait rétablir le chemin. Jésus, la Bible dit la Bible dans le livre des Hébreux, une voie nouvelle au travers du voile de sa chair. Une voie nouvelle au travers du voile de sa chair. Il a traversé donc cette route-là, une route nouvelle. Il n'est pas fait de même homme, il est allé jusque dans le lieu sanctuaire céleste pour sanctifier par son sang précieux. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ce sanctuaire-là pour sanctifier toutes les routes qui ont été souillées. Alors maintenant nous avons la réconciliation pour entrer maintenant dans l'arbre de la vie. Amen. Mais avant que Jésus ne fasse là, on était gardé quelque part. Parce que quand tout le monde mourait, que ce soit les bons, les mauvais, on les mettait dans le sépulcre. Mais comme la Bible déclare, quand on mettait dans le sépulcre, son âme ne restait pas en lui. Son esprit retournait à Dieu, puisque Salomon le dit depuis longtemps avant Jésus. Comme on a lu dans Ephésiens chapitre 2, verset 9. Vous entendez cela? Son âme allait dans le sépulcre. Les âmes ont toujours été dans le séjour de mort. Job dit cela. Les âmes sont toujours allées dans le séjour de mort avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Parce qu'en fait, il n'avait pas d'autre endroit que l'année, parce qu'il ne pouvait pas monter. Que l'accès avait été coupé. Ce n'est que Jésus qui devait venir ouvrir l'accès. Alléluia. Dites après moi, étant monté, étant celui qui est descendu, c'est celui-même qui est monté. Étant monté, il a amené les captifs. Il a fait les dons aux hommes. Vous comprenez maintenant le verset, n'est-ce pas? Il a amené les captifs. Ceux qui étaient captivés par la mort, il les a amenés. Il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes pour que les autres qui sont restés dans ce place travaillent. Amen. Donc, 1 Samuel chapitre 28. Ok, donc je vais aller droit au but d'après au verset. Il y a tellement de versets, je ne sais pas. Suivez-moi. Il est derrière 9h. Il y a tellement de versets sur ça. Si ce n'est pas possible, on va continuer la prochaine. Mais je vais vous donner une définition. 1 Samuel chapitre 28, il est question de cette sorcière-là, la magicienne d'Andor. Que le roi Saül est allé rencontrer. Je prends ça pour vous montrer où se trouvaient les gens. vous allez lire votre dans votre toute la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer très bien que Ézéchias mourut, rassasié des jours et fut couché et fut réuni à ses pères. David fut réuni à ses pères. Salomon mourut et fut réuni à ses pères. Vous n'avez pas dit que les pères là, c'est ceux qui sont en enfer, jamais. Il me dit que dans leur groupe là-bas, ils sont été réunis là-bas. Amen. Donc vous allez voir chaque sur les rois qui quand ils meurent, ils furent réunis à ses pères. Vous avez vu cette expression là, hein? Ok. Donc 1 Samuel chapitre 28 et le temps de l'Église là, comme vous notez, et le temps de l'Église là, je vais droit au but là où Saül vient confronter la sorcière là et elle fait par les enchantements, elle fait monter une personne. Regardons à partir de là-bas. Vous y êtes? Ok. Regardez bien maintenant. On va prendre la partie où verset 6. On est parti là, d'accord? Ok. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Et Saül, quoi? Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Ouais, c'est toujours des femmes. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dit, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Voilà. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mot. C'est terrible. Hein? Fais-moi monter celui que je te dirai. Donc même eux, ils savaient très bien que les personnes se trouvaient en bas. Vous avez vu là, n'est-ce pas? Eux-mêmes savaient très bien que les personnes là se trouvaient en bas. Souvenez-vous, si vous lisez la partie du verset, on dit que Saül était quoi? Samuel était mort et Dieu s'était retiré de Saül, même de son vivant, même pour commencer. Si vous lisez depuis le chapitre 15 là, quand il a déchiré son manteau là. Donc Dieu ne le répondait pas comme la Bible dit dans ce verset 6. Donc il a dormi comme ça, jeûné pour avoir les visions. Rien n'est passé. Amen. Donc eux-mêmes, ils savaient très bien que, comme et Samuel, le prophète Samuel était mort, il avait été pleuré par tous ceux-là qui étaient aramaïens, surtout Israël avait pleuré pendant des jours. On l'a enlevé. Donc son corps était couché quelque part. Écoutez très bien, mes chers amis, pour vous montrer là où on se trouve maintenant. Si donc quelqu'un ne croit pas qu'il y a deux parties au moins déjà dans l'être humain, c'est-à-dire que l'autre physique, l'autre spirituel, c'est ici donc la preuve. Andor n'est pas le lieu où on a enterré Samuel. La Bible déclare clairement qu'il fut enterré à Rama. Il n'est pas allé vers sa tombe pour dire que Samuel sort ici. Jamais. Parce qu'il savait que n'importe comment il pouvait sortir par là. Il allait à Andor. C'est vrai que le séjour des morts, que quelqu'un soit mort en France, on enterre, il se trouve au séjour des morts. Donc que tu sois quoi, en Italie, à Lum, tu peux appeler la même personne. Vous voyez comment quelqu'un peut être idolâtre étant en France alors que sa mère est morte à l'ouest du Cameroun. Vous voyez la chose là maintenant, n'est-ce pas? J'espère que c'est ce que j'ai dit. Il dit, Saül est allé à Andor. On a dit, cherche quelqu'un qui va évoquer un mort. On a dit que c'est à Andor que la personne se trouve. La personne ne se trouvait pas à Rama. Or, c'est à Rama qu'on a enterré qui? Samuel. La personne se dit, prenons un exemple. Peut-être Samuel est mort, peut-être à Lum. On va chercher une femme qui invoque le mot à Ayos. Et pas à Ayos. Il fait juste parce que Samuel est mort. Pourtant, son corps se trouve quelque part à Rama. C'est pour ces ici. Donc, le corps est différent totalement de l'âme. Le corps, donc, a un lieu géographique bien défini. En fait, si on veut la tête de Samuel, l'autre Samuel qu'on le bâtit, il faut aller au lieu où on l'a déposé. On se comprend? Je vais prendre un exemple pour vous saisissez. À supposer maintenant que quelqu'un va chez un marabout à Bamenda. Son père est mort en 1904 à Lum, on l'a enterré là-bas à Lum. Si on veut l'os de son père, on va aller à Lum. Ce n'est que là-bas qu'on peut trouver. Alors là, cette personne peut aller à Bamenda, invoquer son père, il sort. Il vous le dit. Vous saisissez? Ok, donc c'est pour vous dire clairement que dans l'autre dimension là-bas, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de limite physique. Dans l'autre dimension. Mais dans la dimension de l'esprit, de la chair là, il y a des limites à toute borne où il y a le matériel. Amen. Donc, on dit, fais-moi monter la personne qui vient de monter. Le verset vient de confirmer encore ce qu'on vient de dire dans le verset là, que ça se trouvait où? Ah. Amen. On continue. Permettez-moi de retrouver. Samuel. Regardez, verset 5, verset 9. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait comme... il dit... La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, c'est pas une sorcière. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, écoutez bien, qui veux-tu que je fasse? Souligne encore. Il répondit, fais monter. Souvenons-nous. Oui, c'est même que et la sorcière et Saül savent que la personne se trouve en bas. En fait, si ils partent consulter cette femme-ci, ça suppose que c'était une pratique qui était courante. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. On se comprend jusqu'à là, bien aimé frère et soeur. Il dit fais monter. Elle dit que tu veux qu'il fasse monter qui donc elle le faisait souvent. Elle fait monter les gens. Mais souvenez-vous, gardez le verbe monter. Le verbe monter implique le fait que ça se trouve en bas par rapport aux zones où il se trouve. On se comprend jusque-là. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une maison. On dit faire monter quelque chose. Parce que la personne se trouve en dessous de nous. Par rapport à notre lieu. Ok. Parce que si ça se trouvait au-dessus de la tête, il veut dire que faites descendre. On est d'accord aussi. Donc ça veut dire que le séjour des morts est dans les régions inférieures de la terre. On continue. Le roi, lorsque la femme, regardez bien, et il répondit, fais monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. En fait, elle avait toujours fait monter les gens, mais cette personne c'était différent. Elle poussa un grand cri et dit à Saul, et elle dit à Saul, à Saül, c'est pas problème. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül, malgré Démas. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? Voici une autre chose. Cette question de Saül qui était présente devant la sorcière montre que la sorcière voit, lui ne voit pas. Cette question de Saül montre que la femme était dans une dimension spirituelle où n'était pas Saül. Mais un événement s'est passé parce que Saül a remarqué que la femme a crié. Il a crié. Bah! Saül a dit, mais attends, tu es Saül? Par rapport à ce que je viens de voir sur mon écran, tu es Saül. Alors maintenant, non, ne t'inquiète pas. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu vois, puisque moi je ne vois pas. Donc ça montre que ce n'est pas le corps qui est monté, c'est une partie qui est spirituelle qui est montée. Et ça se trouve dans la dimension spirituelle. Et ce n'est que spirituel. Donc c'est normal donc qu'au milieu de cette deuil, je pouvais m'asseoir, je vois la femme en train de se promener au milieu, les autres ne voient pas. Là, c'est une autre dimension. Alors je pouvais décrire que, là voici, je montre ses pas, la suis pas n'importe où je la suis. Mais quand toi tu vas me regarder avec les yeux, tu vas me voir en train de suivre le vide. Ce que c'est. Donc Saül dit, le roi Saül dit quoi? Ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte, de la terre. Il voit un Dieu qui monte de la terre. Donc le séjour des morts est dans les régions inférieures de la terre. Amen. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un qui monte. Et il est enveloppé d'un. Arrêtons-nous encore à ce verset pour regarder quelque chose. C'est merveilleux encore ici. Regardez très bien. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, les personnes qui mouraient et qui étaient gardées dans un haut, dans un autre côté, avaient le même état. C'est-à-dire que si tu voyais Abraham là-bas, Abraham devait être Dieu comme il était Dieu. Mais maintenant, si tu vas rencontrer Abraham maintenant, il sera trop jeune. Parce qu'il n'y a pas de vieillesse là-bas en haut, frère. Bon, il ne peut pas être en bas avec les qualités d'en haut. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire, prenons un exemple. Quelqu'un a 75 ans. Si on est autant à ce temps-là, s'il meurt, tu le vois en esprit, tu vas le voir toujours de la même façon. 75 ans. Maintenant, si quelqu'un est chrétien, tu le meurs, tu ne le verras plus comme ça. Si pas, il est jeune, mon cher ami. Il soit 80 ans, 120 ans, vous allez le voir dans la vingtaine, quinzaine. Donc, n'attendez pas que vous allez aussi voir un père comme ça, comme Abraham, comme ça. Là. Jamais vous allez voir un jeune garçon. C'est-à-dire que c'est Abraham ici, vous dites, ça va vous renverser. Vous allez remarquer que votre âge que vous avez sur la terre, s'il le dépasse lui. Amen. Donc, elle dit, je vois un vieillard qui monte de la terre, enveloppé d'un manteau. Donc, il était prophète, même dans la mort. Tu vois ça, ma soeur? Donc si la voiture te cogne quelque part, tu as le rouge à lèvres, fini, c'est fini. La marque est déposée sur toi, tu as le rouge à lèvres, ça va te condamner. Tu caches à la maison, tu dis non, c'est à la maison, tu vas confirmer, tu vas te retrouver chez toi dans ton cercueil, là-bas, quand tu vas te lever, tu vas ça à côté de toi. Tu vas dire, c'est venu faire quoi ici? Alléluia. En fait, de toute façon, je vous aime. Je vous préviens seulement de ce qui est devant. Je vous dis, j'en ai déjà vu dans l'autre dimension. J'ai déjà vu, pas que j'ai rêvé, sur l'esprit, j'ai vu à l'autre côté. Elle passait, elle était là, étonnée. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle ne pleurait pas, je ne sais pas pourquoi elle pleurait. Ou bien elle était étonnée du fait qu'elle soit couchée. Elle n'a pas osé parler parce qu'elle n'a pas remarqué que je la voyais. J'étais là, comme ça, là, j'étais glacé. Ah, quelqu'un est debout, quelqu'un est debout, quelqu'un. Personne ne pouvait me répondre. J'ai grandi avec ça, et c'est plus ici. On va dire, on m'a dit que tu es allé pour t'amener à Jamo. Donc, quelqu'un. Mais l'état de la chair-ci, entre la chair-ci et la poussière, les seuls, tout le monde, les vers, les mangent ça comme quoi manger. Donc, vous voyez, ma soeur, de votre beauté, ça ne sert absolument à rien. Donc, la Bible dit de ne pas prendre soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, si vous entêtez ça, vous n'entretenez que quelque chose qui va être comme le fumus ou bien qui va nourrir les vers des terres plus tard. Amen. Donc, la Bible est claire, le sérieux de moi. Et remarquez très bien, remarquez, on n'a pas encore financé un sermon chapitre 28. On a vu plusieurs choses. On a ce que ça conduit, le fait que ça se trouve en bas, n'est-ce pas? On a vu effectivement que la personne qui se trouve là-bas n'est pas physique. Parce qu'une personne qui était, deux personnes qui étaient physiques là-bas, une des personnes qui avait convoqué voyait, l'autre qui était présent ne voyait pas. Donc, et il a décrit la personne comme étant Samuel, quoi, le prophète Samuel. Et celui-là a compris exactement que c'était Samuel. Il a donné la description. Tout ce qui était sur Samuel était sur cette personne là-bas. Puis finalement, Samuel, son corps physique s'est reposé à Rama. Son âme était devant la princesse, ou quoi, la magicienne d'Andor, ayant la même forme. Vous comprenez ce que vous trouvez l'âme? Vous comprenez l'âme, n'est-ce pas? Donc, l'âme a votre forme. L'âme a votre forme. Comme si je suis debout, s'il y avait une projection claire de tout mon être sur le mur pour que je sois mon âme, alors mon âme a cette même forme-là. Mon âme a la même forme que moi, même caractéristique. C'est-à-dire que si je te vois, je te vois. Exactement. Quand tu vois dans le miroir, tu vois comme ça ton âme est. Vous saisissez ça? C'est-à-dire, tu regardes dans le miroir, ce que tu vois là-bas, c'est exactement comme ça que ton âme est. Et c'est réel. De la même façon que tu ne peux pas saisir dans le miroir, tu ne peux pas saisir ton âme. Il faut donc voir au travers d'un miroir qui est dans une dimension. Parce que le miroir transmet une autre dimension. Amen. Ok. Regardons quelque chose dans ces 1 Samuel chapitre 28. Parce que ce qui nous a, n'oubliez jamais, même quand il babade beaucoup, suivez toujours le fil où on est en train d'aller. Ce qui nous a entraîné ici, c'est le fait que je voudrais montrer que avant que Jésus ne vienne, le Seigneur de moi était divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y avait l'un pour les méchants, et ça s'est bien confirmé, et l'autre maintenant pour les gens qui servaient le Seigneur. Vous souvenez d'abord la description de celui de mort telle que donnée par c'est Luc chapitre 16 a dit clairement que c'était un lieu de tourment, un lieu de cruauté. N'est-ce pas? Ok, maintenant regardons, continuons ici. Regardez bien. Verset 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau saule. Quoi? Saül comprit. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc maintenant, que les théologiens philosophes, qu'ils montent, ils tirent la Bible comme il dit, le Saint-Esprit dit que c'était Samuel. Quelqu'un peut dire que non, le démon a pris sa porte. La Bible dit que c'était Samuel, le prophète. Oui. Ok, maintenant, on va comprendre maintenant que c'était le Saint-Esprit qui a amené Samuel. On va voir que c'est lui parce qu'il va prophétiser et le lendemain, ça va arriver exactement. N'est-ce pas, frère? Est-ce que cela va soutenir aussi la théorie de Samuel, de Saül? Est-ce que, puisque la personne ne s'est pas parlé, en fait, de toute façon, lisons. Mais écoutez bien, frère, lis les 3 premiers mots du verset 15. Allons-y. Samuel dit à Saül. Voilà, on n'a pas dit la figure que Saül croyait a dit. Le Saint-Esprit a dit qui a dit? Absolument, ça n'est pas le problème, frère. Vous ne pouvez pas tordre la Bible et vous en sortir. Les gens ont fait des théories, je ne peux pas comprendre comment on peut tordre la Bible de Dieu comme ça. Non. Un esprit a pris la forme. Où est-ce que c'est écrit? La Bible n'a pas dit que l'esprit a fait. Comprenez bien, dans cette dimension-là, la personne qui vous appelez doit venir. Souvenez-vous de la question qui a été posée ici là. Comment se fait-il qu'on a dit que la mort du démon qui était en eux? Le séjour des morts rendu des morts qui étaient en eux. Vous voyez là ça maintenant, n'est-ce pas? Parce que ça se trouve quelque part. Les morts sont emprisonnés quelque part dans l'attente du jugement. C'est un peu comme la cellule avant le jugement qu'on t'envoie en prison. On va voir ça maintenant tout à l'heure, d'accord? S'il te plaît, vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Si vous êtes fatigué, vous faites en faire la pause. Parce que permettez qu'on en finisse. Ok, regardez. La Bible nous dit clairement, nous sommes d'accord que c'était Samuel vraiment, non? Voilà, donc si quelqu'un dit que c'est un démon, il va rendre compte à Dieu. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül, il dit, pourquoi m'as-tu troublé? Là où il était, il n'était pas troublé. Oh, le riche, la première fois qu'il est arrivé là-bas, c'était les pleurs, les cris, les grincements dedans, pas bref, hein? C'est pas ça. Il dit le riche que nous avons lu dans Luc chapitre 16 aujourd'hui là. Il criait chaque jour, n'est-ce pas? Ben Abraham, c'est grave, viens boire de l'eau. Pas vrai? Mais Samuel, si qui s'est trouvé dans le même endroit en bas, a dit, pourquoi m'as-tu troublé? Avançons. Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, suivez frère, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Écoutez bien, l'Éternel te traite comme l'Éternel te traite comme je t'avais dit, parce qu'il avait dit, lui avait dit ça déjà au chapitre 15. Alléluia. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre. Il précise encore à David. Donc, écoutez bien, les prophéties d'un prophète ne peuvent pas changer. Donne-lui la nourriture, achète la voiture. S'il a dit, les troubles arrivent dans ta famille, il ne faut pas que tu parles corrompu qu'il puisse dire, parce que le serviteur de Dieu doit dire ce qu'il dit. Vous vous souvenez de ces émissaires quand les émissaires sont venus voir sa maison. Si elle continue à parler comme ça, je vais sortir de ces sujets. C'est qu'est-ce que tu as reçu chez toi? Je voulais dire, quand le prophète parle, faites attention et être attentif à ce qu'il s'en est dit. Quand il pose des questions ne sont pas posées pour rien. Qu'est-ce que tu as reçu? Non, comme j'étais malade, j'ai reçu les émissaires des Babylone. Qu'est-ce qu'ils t'ont vu chez toi? Et je les ai monté tout mon trésor. Ainsi parle l'Éternel. Tout ce que tu as montré là, et puisqu'ils seront nés de voir, ils iront captifs dans ces pays-là. Enfin, il pouvait venir et lui dire que tout ce que tu as montré là-bas va partir. Il lui parle. Tiens, on t'a vu quoi? Qu'est-ce que tu as montré? Ézéchiel dit que la parole de Dieu que tu as dit là est bonne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu disait que c'est après sa mort. Donc il a dit que ça, il s'en fout. Donc au moins c'est de son vivant, il y aura la paix. Il dit que la parole de Dieu que tu as dit là prononcée est bonne. Donc ce sont mes fils qui vont souffrir. Donc ça les engage. Que Dieu nous en préserve. Je vais dire quoi? Que les paroles des prophètes ne peuvent pas changer. Les paroles des prophètes ne peuvent pas changer. Regardez bien. Il a dit la prophétie quand elle était vivante. Quand elle est morte, il est venu réitérer. Il te traite comme je te l'avais dit. Donc ça ne peut pas changer. Donc on ne peut pas corrompre un prophète et dire quelque chose de mauvais. Il y a un petit problème à ce moment. Oui. Je me dis, la femme mort, Samuel mort, uniquement la femme voit. Oui. Maintenant, il parle immédiatement à Saïd. Oui. Ça te dérange? Oui. Ça te dérange? Tout à l'heure, nous étions dans Luc chapitre 12, chapitre 16. Comment le monsieur qui est au Seigneur de mort parle d'Abraham en haut? Non, là-bas c'est esprit. Et ici c'est quoi? Âme. Je vais dire comment. Non, comment qui t'a dit que c'est âme. Samuel. Non, doucement d'abord ici. Qui t'a dit que c'est âme. Puisque les deux sont dans les mêmes dimensions. Je vais t'expliquer encore ça autrement pour que tu comprennes. Le prophète Balaam allait un jour dans son endroit. À un moment donné, son âme a commencé à divaguer. Il fait pam, pam, pam. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il tape là, ne veut pas bouger. Puisque l'âme voyait. Lui, il ne voyait pas. Est-ce que lui ne voyait pas? Il dit, quand il t'appelle, l'âne voyait une chose qui était devant lui. Est-ce que lui, il voyait? Non. Après, qu'est-ce qui s'est passé? À travers la bouche de l'âne, on lui a répondu. Non, l'âne lui a répondu. Après, maintenant, l'ange s'est présenté. L'ange était toujours là. L'ange était toujours là, bien qu'il ne voyait pas. L'ange s'est présenté, il a commencé à parler. Donc, il a quitté la dimension invisible, il s'est manifesté. Oui. Après, je veux dire, c'est, Dieu peut tout faire. Absolument, c'est exactement ça. Je ne peux pas dire que Samuel parlait certainement par la femme et la femme interprétait à Saül. La Bible n'a pas dit ça. La femme a dit clairement que je vois. Après, il a dit que pourquoi m'as-tu consulté? Il n'a pas dit, dis-lui que pourquoi m'as-tu consulté? C'est la Bible n'a pas dit ça. Je m'arrête là où la Bible a dit. Et je regarde une possibilité que ça se passe directement. Que Dieu a déjà fait des choses. D'accord, frère? Donc regardons, on continue et finissons rapidement. Donc finalement la sœur va partir sans avoir sa réponse. Verset 18, tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, regarde directement encore dans la mort, il prophétise. Donc il a ajouté les prophéties sur les prophéties qu'il avait donné. Et même l'Éternel livrera avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez. Donc, il est clair que. Saül d'abord, Samuel n'était pas dans le Seigneur de mort où on se trouve. Ah, d'accord. Un. Deux, il est clair aussi que Saül ne se trouvera pas dans l'endroit où on se trouve aussi. Allez demander à Dieu donc pourquoi. Donc c'est son problème avec lui. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Vous voyez ça, frère? Aussitôt Saül tomba à terre et de toute sa hauteur. Et les paroles de Samuel le remplirent. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Donc, il avait jeûné. Ok. Jusqu'à notre développement, on comprend clairement que le séjour des morts est d'abord différent de la tombe. d'après la Bible, n'est-ce pas? On a déjà vu ça. Deuxième chose, on a vu que le celui des morts, ce n'est pas le corps physique qui y va, c'est une partie du corps qui est l'âme, n'est-ce pas? Et on va voir tout à l'heure clairement comment c'est écrit que l'âme descend dans le séjour des morts. C'est l'âme qui va. Et on a lu ça avec Jésus, il a dit que tu ne permettais pas que ton âme, mon âme, demeure dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Et il a dit que tu ne permettais pas que ton sein voie la corruption dans la chair. Donc, trois endroits pour trois endroits. Pour trois entités, une même personne. Le corps va dans la poussière parce qu'il est écrit que tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est ici. Après, la partie qui est, qu'on a soufflé à l'intérieur, que ça devient une âme vivante, va, soit pour le moment, comme nous sommes chrétiens, pour sommes dans la dispensation de la chrétienté, soit au séjour des morts dans la tente du jugement, pour pouvoir être mis dans la géhenne, ou dans le sein d'Abraham, dans la tente d'être dans le ciel. Donc, quand un chrétien même là, il ne part pas au ciel. Mais voilà, bien. Bien que le paradis soit inclus dans le ciel. Soit une partie du ciel, une part au ciel ou de la destination finale. Amen. De la même façon, comme un être, quelqu'un même maintenant sans avoir l'espérance de Christ, il ne va pas automatiquement dans la géhenne. Parce que pour qu'il puisse y aller, il faut qu'il passe au jugement. Voilà pourquoi il fallait que les morts et le séjour des morts, la mort et le séjour des morts, les mères rendent les morts qui étaient en elle. Maintenant, ça ne vous étonne pas qu'on dise que et la mère rendit les morts qui étaient en elle. Je vous pose une question encore, je vous pose, saisissez-moi bien. Vous avez vu dans votre apocalypse, on dit que et la mort rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ça ne vous pose pas de problème. Vous avez réfléchi là-dessus. Ou si vous avez réfléchi, vous êtes arrivé à quelle conclusion? Donc, ok, prenons un exemple. Quelqu'un qui est mort par noyade. On le prend, on l'enterre dans la terre. Qu'est-ce qui va remettre la mort qui en est alors? Alors, donc, c'est ce dont le Saint-Esprit parle comment, c'est ce qu'on a pas retenu le corps. Quelle que soit la personne qui meurt par noyade, ou bien elle est mangée par les crocodiles ou quoi que ce soit, ou bien la mort va finir de rejeter vers la fin, vers les bordures. La mer se lave automatiquement. La mer se lave. La mer se lave. On ne peut pas aller en haut, mais vous voyez les débris là-bas. Tout le débris est lavé, ça envoie vers la fin. Vous regardez comme les magiciens comme ça là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit ceci, si quelqu'un met en haute mer, il n'y a que deux possibilités. Ou il pourrit, il ne mange pas le poisson. S'il ne pourrit pas, la mer va le rejeter vers les coins de la terre. Il peut tomber dans les, vous appelez pas, les différents îlots qui sont là-bas, ou bien les différents mangroves. Mais ils vont toucher vers les zones où il y a la terre. Donc la mer va baler son dessus. Maintenant, la Bible dit, et la mort rendit les morts qui étaient en eux. Quand quelqu'un meurt par noyade, il cale là dedans. Puisqu'on a vu que la personne n'était pas la chair, si le crocodile le mange. Alors maintenant, tu n'as pas entendu les montagnes rendir les morts qui étaient en eux, puisque au moment où on a brûlé, on a versé la parole, non? On n'a pas dit les montagnes. Donc, que tu vous brûles n'importe quoi, vous faites la crémation. Dieu va vous appeler, vous allez revenir à l'extérieur, il vous dit. Donc le fait qu'on vous brûle, vous savez la crémation, non? On brûle les gens dans le cercueil. On met les gens dans le cercueil, on met dans le four comme ça, là. Ça brûle, les personnes deviennent la cendre. On fait la cendre. C'est soit au champ, soit n'importe où, bien mettre sur le feu pour d'autres personnes que voici le corps de mon père. Vous brûlez comme ça, Dieu vous appelle à la zone, vous allez venir marcher vraiment comme ça. Parce que vous êtes déjà poussé, il a fait, vous êtes sorti. Donc il n'y a pas de poisson de fuir le monde, c'est vous le dites. Donc alors, la question que je pose, c'est est-ce que quand la Bible dit, elle est mort, rendit les morts qui dans le qu'est-ce que vous comprenez donc avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à aujourd'hui. Vous saisissez, je vais reposer la question autrement. Les choses telles que, vous voyez, vous faites on parle du Ngondo par exemple ici au Cameroun, dans le cadre du Cameroun à Douala, les gens font les festivités, quelqu'un est dans l'eau. Il part et dit dans l'eau, il revient un message, l'eau ne le touche pas, il est haut. Après, vous pouvez dire c'est le mensonge, c'est la réalité, n'essayez pas de fuir la réalité. J'ai dit, quelqu'un plonge dans l'eau, Pongloum, vous le voyez plonger. Il va à l'intérieur, il dit lui, il n'a pas de truc de gaz. Pourquoi on dit que non, il faut qu'il ait le gaz pour venir. Il revient avec le message, il sec, il sort de l'eau. Il dit que les esprits ont dit que, les anciens ont dit qu'il faut qu'on passe comme ça pour les sacrifices. Ils donnent les différents sujets et c'est écrit en des langues bizarres. Et dans les interprètes, je pose la question, il va où? Il part où? Attends, au moins ça vous savez, au moins c'est cette histoire-là, non? La question c'est, où est-ce qu'ils vont? Comment? Il y a un village là-bas. Ok, donc, comme vous ne savez pas, on continue. Donc, mais allez méditer dans ce passage-là. Et la mer rendit les morts qui étaient en eux. Donc, il y a des régions là, par là-bas qu'on a captivé des gens. qui sont retenus là-bas. Les gens qui travaillent avec l'esprit Jésus aussi meurent. C'est dans la région là qu'on va les enfermer. Donc tous vos endroits de doigts là où les gens sont en faute de la mer, tout qui servent cette eau là, quand ils meurent, leur âme descend là-bas pour la servitude. Mais après, Dieu va réclamer cette âme là, remonter, il va vous montrer. Pourquoi quel bon monsieur. Donc imaginez quelqu'un dans ton goût, donc ne t'inquiète pas, quand tu vas aller, tu vas aller voir, tu vas savoir que c'est les poissons, c'était les démons. En fait, la Bible parle et fait état de cela que le jour où tu avais frappé le grand serpent, le Léviathan, le serpent des mers, c'est pas le temps de parler de cela. Matthieu chapitre 3. Donc on a réglé le problème du lieu géographique du séjour. Donc on va noter les versets dans le Nouveau Testament, où ça en parle, vous donner quelques versets. Matthieu chapitre 3, le verset 11 et le verset 12, vous pouvez noter. Vous y êtes chapitre 5. Verset 21 à 30. Vous y êtes. Chapitre 7, verset 13 et 14. Chapitre 7, verset 13 et 14. Chapitre 8, verset 28 et 29. Chapitre 10, verset 28. Chapitre 11, verset 22 à 24. On continue. 13. Nous sommes tous dans Matthieu. Chapitre 13, verset 24. Vous y êtes. Chapitre 13, verset 24 à 30. Puis, verset 36 à 43. Matthieu 13, verset 24 à 30, verset 36 à 43. Toujours au chapitre 13, hein? Verset 47 à 54. Chapitre 16, verset 18. Chapitre 18, verset 7 et 9. Chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Vous avez lu cela, n'est-ce pas? Voilà. Les cohortes de l'enfer, là, ne peuvent rien faire. Ok. Chapitre 23. Donc, j'ai dit chapitre 18, verset 7 à 9. Chapitre 23. Chapitre 23, verset 15. Verset 33. Chapitre 25, verset 31 à 46. On va lire particulièrement ces deux derniers là. Dans Marc, chapitre 5, aussi, c'est écrit. Vous y êtes. Chapitre 25, verset 31 à 46. Vous y êtes. Je continue. Marc chapitre 9, verset 44 à 48. Donc, en fait, tous ces versets montrent clairement qu'il y a un lieu qui brûle, d'accord? Marc chapitre 9, verset 44 à 48. 44 à 48. On continue. Isaïe 34, verset 9 à 12. 66, verset 22 à 24. Isaïe, hein? 2 Pierre 3, 10 à 12. Jude, verset 5 à 23. Jude, verset 5 à 23, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude, d'accord? Apocalypse, chapitre 1, verset 10 à 13. Vous y êtes? Chapitre 21, verset 8. Apocalypse, chapitre 20, verset 10 à 13. Chapitre 21, verset 8. Vous préférez, prenez cela, lisez attentivement à la maison, verset après verset, d'accord? Donc, quand je vais commencer le développement maintenant, je vais encore aller dans l'Ancien Testament pour montrer certaines choses. Parce qu'il y a une chose à éclairer, justement.